Chapitre 5. Situation inattendue. La surprise fut complète. Jamais certes on en vit de pareil. Mais on peut se demander lequel des deux personnages en présence était le plus ému. Lagnard ouvrait des yeux ébahis. Dans son imagination, une telle rencontre dépassait les bornes de la vraisemblance. Elle n'était pas simplement improbable, elle était absurde, et presque grotesque à force d'inattendu. Il était arrivé, comptant surprendre et intimider le plus astucieux détective policier qu'il eût jamais connu. Et voilà qu'au contraire, il se trouvait surpris et désarçonné par cette apparition. Une confusion non moins intense envahit les traits de la jeune fille. Elle le regardait dans les yeux avec un air d'interrogation ébahi. Son visage, dont le teint frais avait conquis 2 heures plus tôt l'admiration de l'aventurier, était décoloré. Ses lèvres restaient entr'ouvertes. La main qu'elle appliquait sur sa joue y incrustait ses doigts. L'autre main ramenait devant elle les longs plis d'un joli kimono, sous le bord duquel dépassait une soierie blanche, large comme la main, avec le bout d'une pantoufle de soie. Elle restait là, prête à fuir, dans ce vêtement d'intérieur, sous lequel on la devinait en toilette de nuit, et la coiffure défaite, comme pour aller se mettre au lit. Mais les patients enseignements de Bourke n'avaient pas été vains, et Lagnard ne resta pas longtemps interdit. Se ressaisissant vite, après ce désarroi momentané, il recouvra son sang-froid. Et bien qu'il ne comprît toujours rien à l'ahurissante aventure, il parut l'accepter comme une rencontre banale. « Je vous demande pardon, mademoiselle Bannon, » commença-t-il avec un salut cérémonieux. Elle l'interrompit, tout étonnée de le reconnaître. « Monsieur Lagnard ?» Il inclina la tête une seconde fois. « Je suis au regret de vous déranger. » « Mais je ne comprends pas. » « Malheureusement, continua-t-il du même ton, j'ai oublié un objet en sortant, et il m'a fallu revenir le chercher. Mais... Eh bien ?» Tout à coup, les yeux de la jeune fille se détournèrent des siens pour la première fois et jetèrent sur la chambre un regard effaré. « Cette chambre, » bégaya-t-elle, « je ne la reconnais pas. » « C'est la mienne. » « La vôtre, mais... » « Voilà pourquoi il se fait que je... vous ai interrompu. » La jeune fille recula d'un pas, puis de deux, en poussant à mi-voix une monosyllable de compréhension. Un « Oh !» brusquement soupiré. En même temps, son visage et son cou s'empourprèrent. « Votre chambre, monsieur Lagnard ?» Son ton exprimait si indubitablement la honte et l'effroi que le cœur de Lagnard s'attendrit. Sans compter que la jeune fille était ravissante à voir ainsi. « Croyez bien, commença-t-il pour la rassurer, que je n'y attache aucune importance. Vous vous êtes trompée de porte. » Elle frissonna. « Mais vous ne comprenez pas cette effrayante habitude, et je croyais en être débarrassée. Comment saurais-je jamais vous expliquer ?»« Je vous assure, mademoiselle Bannon, que vous n'avez nul besoin de rien expliquer. » « Mais je dois, je veux, je ne puis supporter de vous laisser croire. Enfin, vous ne m'en voudrez certainement pas si je suis somnambule. » À cette prière, tout ce qu'il trouva d'abord de plus intelligent à répondre, ce fut de répéter sa phrase précédente. Sot qu'il était, pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt? Depuis l'instant où il avait allumé l'électricité, il avait cherché en lui-même à s'expliquer par quelque cause plausible la présence de la jeune fille. Mais pas une fois il n'avait songé qu'elle pût être somnambule. Et dans son impéritie, bien qu'il se fût efforcé de rendre ses paroles anodines, il s'était rendu coupable d'une supposition injurieuse. À son tour, Lagnard rougit fortement. « Je vous demande pardon, » bégaya-t-il. La jeune fille ne l'entendit point. L'air tout absorbé, elle ne songeait qu'à elle-même et à la fâcheuse situation dans laquelle son infirmité l'avait mise. Quand elle parla enfin, les mots lui vinrent abondants. « Vous comprenez, j'ai eu si peur, je me suis trouvée subitement debout dans les ténèbres, tout comme si je venais de sauter de mon lit pour fuir un danger, et alors j'ai entendu quelqu'un entrer dans la chambre et fermer la porte furtivement. Oh, croyez-moi, je vous en prie. Mais je vous crois, mademoiselle Bannon, tout à fait. Je suis si honteuse. Ne prenez donc pas les choses ainsi. Mais à présent que vous savez, vous ne pensez plus. Voyons, mademoiselle. » Cela doit être si difficile à admettre, moi-même, mais il y a plus d'1 an que cela ne m'était arrivé. Bien entendu, dans mon enfance, c'était presque une habitude. On était obligé de me surveiller tout le temps. Ainsi, une fois... Mais peu importe, je regrette tellement. Il n'y a pas de quoi, affirma Lagnard. C'est tout à fait naturel. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Mais je ne voudrais pas que vous... Je ne compte pas, mademoiselle. De plus, je ne parlerai de l'incident à personne. Et si jamais je suis assez heureux pour vous rencontrer de nouveau, je l'aurai entièrement oublié, croyez-moi. La sincérité de son ton convainquit la jeune fille, qui baissa les yeux avec confusion. « Vous êtes trop bon, » murmura-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Je suis trop heureux, voulez-vous dire, hein ?» Elle lui jeta un regard interrogatif. Il reprit, en s'efforçant de sourire. « Puisque vous me favorisez de votre confiance. » Elle était devant la porte. Il la lui ouvrit, mais chuchota, en retenant d'un geste sa visiteuse. « Attendez, je vais d'abord m'assurer qu'il n'y a personne aux environs. » Il sortit sans bruit sur le palier et resta une minute à écouter et à regarder de droite et de gauche. La jeune fille s'était arrêtée sur le seuil, hésitante, avec un regard inquiet. Il la rassura d'un signe de tête. « Tout va bien, la voie est libre. » Mais elle s'attarda un moment encore. « C'est vous qui faites erreur, » chuchota-t-elle, en rougissant de nouveau sous son regard, où elle lisait l'admiration. « C'est moi qui suis heureuse d'avoir rencontré un gentleman. » Le sourire ambigu de la jeune fille, joint à l'innocence de son regard, embarrassèrent Lagnard à un tel point qu'il demeura incapable de trouver une réponse. « Bonne nuit, » murmura-t-elle, « et merci, merci. » Sa chambre était au fond du couloir. Elle en gagna le seuil d'un élan rapide, sans autre bruit que le frou-frou soyeux de ses vêtements, puis se retourna pour lancer un dernier regard au jeune homme. Celui-ci songea que les romanciers n'exagèrent pas toujours lorsqu'ils parlent d'yeux brillants comme des étoiles. La porte se referma doucement. Lagnard secoua la tête comme pour rejeter un essaim de pensées importunes et regagna sa chambre. L'explication fournie par la jeune fille l'avait entièrement satisfait. Mais comme il était d'un esprit méthodique et tenace, il passa 5 minutes à examiner sa chambre et tout ce qu'elle contenait. L'eût-on interrogé, il aurait bien été embarrassé de dire ce qu'il cherchait ou pensait trouver. En fait, il trouva simplement que rien n'avait été dérangé, et rien de plus, pas même un carré de batiste à bordure de dentelle, marqué au chiffre de la dame et exhalant un parfum léger mais caractérisé. Ce qui, à la réflexion, ne lui parut guère conforme aux règles du jeu. Quant à Roddy, Lagnard perdut plusieurs minutes à écouter attentivement à la porte de communication. Le détective avait cessé de ronfler, mais sa respiration sonore troublait seule la paix de l'heure. À la vérité, cela ne prouvait rien, mais Lagnard ayant échoué dans sa première tentative pour surprendre son ennemi éveillé, n'était plus tenté d'être trop incrédule. Il en avait assez d'être sagace et transcendant. Et quand peu après, il quitta de nouveau l'hôtel Troyon, cette fois sans troubler le repos du concierge, ce fut en se disant que si Roddy cachait réellement son jeu, il aurait de la chance s'il trouvait quelque chose d'intéressant dans la chambre de Michael Lagnard.